transporter une émission. Nous devons transporter cette émission du jeudi 23h58 au dimanche. Allez, allez, allez. Oh là là, mettons-nous. Ah oui, il ne faut pas prendre en considération la date que l'animateur dira. Évoquera. C'est similaire, c'est semblable. Quel grognon. Allez, force, force. Nous voilà rendus au dimanche. Bonne émission. Spécial dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance Canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le lundi 18 septembre 2017, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Vous savez, quand je vais à Paris, là, je vous ramène tout ça, là, je vais à Paris, je me gonfle pas le torse. Là. Je suis pas comme le pain, je suis pas comme le coq, plutôt comme la petite poulette. Tu sais, la petite poulette, elle a l'air de rien, mais elle pond des œufs. Mais aimez-vous ça, ma petite poulette industrielle? Elle doit pondre en, s'il vous plaît. Mais moi, je vais faire des rencontres radiophoniques, oui. J'adore ça, oui. Mais à travers tout ça, il m'arrive d'aller voir des concerts exceptionnels, dont celui-là. Et là, le 15 septembre, et je retiens ça depuis le 30 juin, parce que le vendredi 30 juin 2017, à l'Olympia de Paris, j'ai eu la grande chance d'entendre sur scène cet artiste. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. like the heartaches. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Il était avec son quartet qui s'intitule le Tony Bennett Quartet. Et c'était bien sûr Simon Gauthier qui imitait Tony Bennett. Mais c'est pas vrai! C'est le vrai Tony Bennett! Ouais, mais c'est pas l'enregistrement que j'ai vu à l'Olympia le 30. Là. Non, mais il faut suivre, Mme Thibodeau, là. Vous avez des problèmes de mémoire depuis quelques temps, mais ne vous en faites pas. Tout le monde, là, c'est comme un nuage gris qui nous plane dessus. Quand on a une petite défaillance, on dit « Oh mon Dieu, je suis Alzheimer! » Lâche l'Alzheimer. Lâche l'Alzheimer. Dis-toi que tu es peut-être surmené. Tu as trop de choses dans la tête. Il vient de t'arriver des prouesses du quotidien que tu ne croyais même pas te sortir. La vie nous joue des tours. Pour revenir à... Je sais pas pourquoi était Tony Bennett Quartet était là le 30 juin. Puis je vais vous expliquer parce que vous n'étiez pas présent. Et quand je vais voir des spectacles, je veux être les yeux et surtout les oreilles des gens qui n'étaient pas présents. Depuis quelques années, je vous en fais pas partager quelques mélopées, mais j'adore la musique jazz standard. La base du jazz, là, tu sais, là, le plancher. Là. Le jazz actuel, je sais pas, je suis pas vraiment là-dessus actuellement. Là, maintenant, je m'intéresse à vraiment la structure. Parce que si tu veux faire une maison, mon Raymond, moi t'expliquer un peu. Non, mais expliquer, tu le sais très bien. Faut que tu commences par la fondaison. La fondaison? Ça fond? Ainsi, fond, les petites marionnettes, ça n'a rien à voir, hein? Et trois petits tours et puis ils s'en vont. Bon, mais ils s'en vont quand ils voient... Eh bien, voilà! Quand ils voient qu'il manque de professionnalisme, puis il y en a partout! Il y en a partout! Tu te rends compte qu'on est entouré d'amateurs? Personne ou presque personne n'est professionnel. Puis quand tu vois un professionnel, là, tu dis, hey, lui, il en connaît des affaires. Puis là, tu essaies de le boucher, là. Tu essaies de lui trouver. Oui. Et voilà, Madame Tremblay, vous avez raison. On essaie d'y trouver une faiblesse. On pose des questions, puis il répond, puis ça a l'air. Toi, tu sais pas, là, t'es un imbécile. Mais il te répond. Puis ça a l'air de tenir. Ça, on appelle ça des orateurs. La vérité est pas... Pour un orateur, la vérité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de voir si vous y croyez. Puis là, entre nous, là, on est rendu à un moment... du siècle, un moment de notre... au moment. On est rendu dans un moment. Un moment, ce moment... allô? Un moment. Moment. Un moment. M-O-M-E-N-T. Pas M-A-M-A-N. M-O-M-E-N-T. On est dans un moment. Où c'est ça? Hey, toi, tu viens chercher ça loin. Moi, regarde. Dire l'affaire. Si je viens pas chercher ça loin, je me sens ridicule. Et là maintenant, je me sens professionnel. Comment ça? Mais je le sais pas. Je le sais pas, là, on dirait que j'ai trouvé le tourni, comme disait Colette Magny. Le tourni? Le tourni! Colette Magny, le tourni! Ouais, mais là, personne ne connaît Colette. Si personne ne la connaît, c'est pas mon problème, moi. Elle a existé, c'était une chanteuse impliquée dans sa cause. Quelle cause? La cause du féminisme. La cause aussi de dire quelque chose dans ses chansons. La cause de revendiquer des droits que personne ne fait. Contrairement à certains groupes. Oh mon Dieu, il va nous déblatérer. Non, non, je déblatère pas. Tape un peu, toi. Mais on va t'arrêter au tournant parce que je vois bien que toi, tu sais pas. Puis moi, je sais pas non plus. Puis on cherche ensemble. Mais toi, t'as arrêté de chercher. Oh. Oh, hein? Ouais. On voit bien que c'est l'errance rénaldienne en liberté. Pas plus que... Non, mais oui. Plus que... Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... À partir de maintenant... Jusqu'à... ça vendredi? Ouais, mais là, tu mêles tout le monde, c'est vrai, je te le dirai pas. Mais non, ça, c'est des choses, là, c'est en bonus. Quand vous regardez un DVD, là, c'est du bonus. Mais moi, j'ai pas l'errance rénaldienne en bonus. Bon, fait que je le dirai pas. Ah, ben là, tu viens d'exciter un public, puis tu l'arrêtes là-dessus. Ben, non, je viens pas de l'exciter. Ben, j'ai excité. Hein? J'excite. Ben oui, t'excites. T'ouvres des ouvertures, puis t'es refermes. Ouais, mais je frustre. Ben, tu frustres, t'existes. T'existes, oui, mais... d'après moi, c'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Fait que si tu veux pas le dire, dis-le pas. Ouais, mais parce que je commence, moi, là... Attends un peu. M'a dire. Ben, dis-moi-le. J'ai souvent... Je commence par une phrase, OK? Fait que pour moi, une phrase, c'est une route. Puis les mots amènent les idées. Puis là, je vois qu'il y a des panneaux de circulation, puis je peux pas aller plus loin. Tu sais, il y a des arrêts, il y a des tournes à gauche, tournes à droite. Mais j'essaie de les éviter. Mais si je vous les raconte, ça serait trop long. Puis on a juste 200, 120 minutes, pas 200, 120 minutes. 100! Attends un peu. 120 minutes et pas une de plus. Mais non, j'ai pas dit pas une de plus, là. Faudrait peut-être se relaxer. Mais là, on va revenir à Tony Bennett parce que c'est le cas de ce soir. C'est pas un cas, voyons donc! Non, parce que j'ai... J'ai pas dit que c'était... Ouais, t'as dit que c'était un cas? Oui, un cas. Mais pas lourd. Ah, voilà! Un coup de chance que j'ai... Parce qu'il fait pas de spectacle au Québec. Il en fait pas. Et là, j'étais là, à Paris, à ce moment-là. Pourquoi pas dire oui? OK, tu veux dire qu'il t'a appelé? Puis là, ben toi, t'as reçu un message. Puis là, tu dis, écoutez, je suis Rénal Gagné. Je travaille à Sequoyel. J'anime l'émission Produit, réalise, maison, c'est du beau cramage, là. En tout cas, je fais une émission, c'est cohérélienne, et vous m'invitez à votre spectacle, Monsieur Bennett. Ben non, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé à l'Olympia de Paris, parce que c'est une salle que j'adore, j'ai vu les Stooges et Iggy Pop, puis j'ai vu Midnight Wall. J'ai presque vu Midnight Wall. Ça, c'est une histoire que je vous dirai peut-être jamais, mais on sait pas, dans mes délires éventuels. Et puis là, j'ai vu Tony Bennett. Comme je vous dis que je travaille actuellement... Non, je travaille pas, mais je suis dans l'écoute de la musique jazz standard. Bon, pour les gens qui se demandent, qu'est-ce que c'est la musique de jazz standard? Ben, c'est les classiques du jazz. C'est ce qui a fait que le jazz est devenu jazz. Puis dans le jazz, il y a Thelonious Monk. Mais lui, c'est un... J'ai absolument... Je dis lui, mais oui, mais lui, c'est un... musicien qui ne chante pas, que j'adore. C'est mon préféré là, dans le jazz standard, musicien, instrumentiste. Sinon, ben, il y en a d'autres. Il y a Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Tony Bennett. Il y en a plein. Il y a dis-moi là, c'est qui? Mais là, je peux pas te le dire, je te demande, c'est qui? Eh, monsieur, ça, hein, ça va dur, là. Ce soir, là, ça mérite peut-être une belle chanson pour relaxer les tympans qui ont saigné depuis le début, depuis 14 minutes. Donc, j'y étais le vendredi 30 juin 2017 à l'Olympia de Paris. Tony Bennett. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Eh oui, c'était le grand Tony Bennett que nous avons rencontré. Ben, je n'ai pas rencontré. Je ne veux pas dire non plus que... Non. Hey, wow, monsieur! Monsieur, allez-y. Alors, c'est le grand Tony Bennett que... Oui! Ben oui, le grand Tony Bennett. Le grand, mais pas en hauteur, là, en talent. Puis là, j'ai hésité, mais non, j'ai pas hésité, mais j'ai pas voulu vous mentionner son âge, parce qu'on s'arrête souvent. « Ah ouais, à cet âge-là, il a fait ça! » Il a actuellement 95 ans. Il fait une tournée à l'heure où on se parle. Là. À l'heure où on se parle, il fait 174 spectacles cette année. 95 ans. Il fait 3 chansons sans sonorisation, uniquement avec un bassiste qui joue, mais sans les amplis, et lui qui chante. Il fait une chanson a cappella. C'est ce que j'ai vu à l'Olympia. Comme ça rime, j'ai voulu le dire. Non, mais je ne savais pas que ça allait rimer. Olympia, puis Capella. Non, c'est pas ça. A cappella. A cappella, l'Olympia, Mandou. Hey, wow! Puis avant, il y a quelques années, j'ai vu aussi, comme je vous l'ai dit, Iggy Pop. C'est un peu différent avec les Stooges. Puis là, il ne reste plus grand-chose de vivant dans le Stooges. Là. Il y a Iggy. Iggy qui se branle encore le Iggy, Iggy, Iggy, Iggy, Iggy. On l'appelle Iggy, il joue son Ziggy. C'est un homme pas comme les autres. Il se voit poil, mais c'est très drôle, notre Iggy. Non, mais il faut s'arrêter à un moment donné. Là. On peut comme s'exciter sur le Iggy, là, mais quand le Ziggy nous pique, il faut se la gratter. La gratter l'Iggy, c'est quoi, féminin ou est-ce que c'est... Ben, je sais pas, un Ziggy. Un Ziggy, c'était mon Ziggy, j'étais fier de lui. C'est pas quelqu'un qui a blessé, non, non, non, c'est pas de sa faute. Iggy, c'est masculin, Iggy. Puis pop, ben c'est populaire. Un Iggy populaire. Puis là, quand je l'ai vu à cette époque-là, là, ça fait quoi, 3 ans? Les gens de l'Olympia lui ont vu le Ziggy. Parce qu'il s'est sorti le Ziggy. Je pense que c'est la première fois, là, parce que c'était pas filmé. Peut-être à toutes les soirs, il sort le Ziggy, mais quand c'est filmé, oh, il se le rentre. Puis là, on l'a plus entendu pendant 15 secondes parce qu'il pensait que son Ziggy, c'était son micro. Ça, c'est une chanson de Iggy Pop, les Stooges. A dog, je suis un chien de provision. Un chien de quoi? Un chien? Je suis pas un chien, moi, là, voyons donc, je suis un humain! Quoique les chiens doivent être traités dans une équivalence. Une équivalence? Qu'est-ce que tu veux dire là, toi, là? Je veux et j'exige. Ah, ben là, ça veut rien dire, ça. Ça, c'est pas très, très gagnant, là. Les gens voteront pas pour toi, mais je veux pas être voté! Je veux pas être au summum suprême. Au summum suprême. Ben oui, je veux pas être dirigeant. Oh, tu veux être dirigé. Non, je sais me diriger. Et surtout, ce qui dérange mes dirigeants actuels. Et tu veux dire qui? Ben, et les gens qui m'emploient. C'est qu'un discours je veux pas entendre. Allez-y, vas-y. Ben, vas-y. De un, excusez-moi, j'ai comme un soubresaut d'émotion. OK, oui. Dû à l'émotion. Quand t'as un soubresaut... toi, là, quand t'as un soubresaut d'émotion, c'est dû à quoi? Oh, c'est dû à la fatigue, aux lourdeurs quotidiennes, à l'application de certaines lois qui ne me plaît pas, surtout... Mais non, on veut pas savoir toute la nomenclature, là, mais c'est ça, toi. Oui. Mais pas moi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi? Mais c'est ça, là. C'est la différence. Bon, je veux... Ah, ben, heureux de t'en entendre dire, là. Parce que je sentais peut-être une petite complication. Ah, ben oui, mais là, vous sentez... Je ne sens pas, moi. J'ai l'aura. L'aura. L'aura! Oh, j'espère qu'elle n'est pas record et secord parce que j'aime bien le chocolat. Puis si vous pouvez me préparer une petite boîte, moi, pas dans le dur, là, juste dans le moelleux. Tu sais, tout ce qui est moelleux, mais empêcher la pêche de rentrer, tu sais, l'affaire surette, ça me fait... Non, j'aime pas ça. Mais des choses comme le caramel. Moi, je dis le maramel. Ça fait 40 ans que je dis maramel. Peux-tu rester avec le maramel? Ben oui, reste avec le maramel, mais c'est pas... T'arrives dans le comptoir de chocolat, tu vas dire du maramel. Oui. Oui. Si elle comprend pas le maramel, elle m'en offre pas. Je m'en allais ailleurs, moi, là. Je m'en allais ailleurs voir quelqu'un qui est aussi... qui peut se placer à la même dimension que moi. Oh, ben là, tu vas plus loin. Ben oui, je vais jamais plus bas. Je vais toujours plus loin. Puis surtout, plus haut. Mais surtout plus loin. Puis si on peut, dans l'horizontalité, si on peut dans l'horizontalité... Redis-le, toi! Si on peut dans l'horizontalité... Va redire, dis-le! Ben oui, mais je vais le redire! Si on peut dans... l'horizontalité, aller plus loin en montant, ben là, c'est super chouette. Oh, c'est super chouette, super cool! Ben oui, ben oui. Puis là, ce soir, je vous présente un invité qui est extrêmement intéressant. Puis, là, ça fait combien de pi? Le pi, c'est en algèbre. Oh, mon dieu! Et... Là, tu vas chercher loin, là, l'algèbre. Mmh. Ouais, si je me réfère à mes fausses références... Oh, ça va pas... Oh, ben là, on sait que ça sera pas véridique, mais... Pas véridique, mais je pense pas que ce soit... Oh, je crois que je vais me tromper. Et si je me trompe, oh, j'ai le choix. Je me donne le choix. Entre dire une fausseté... ou passer une chanson qui me plaît énormément. Énormément? Pas m'aimant? Oh oui, très m'aimant. Plus m'aimant que... Ben oui. Donc là, j'enlève le truc. Je mets le truc. T'es pas en train de faire un condominium? Non. J'étais en train de placer une chanson. Puis en plus, c'est sur un petit disque, là. Vous savez, les disques qui n'ont pas fonctionné, les... Je sais pas comment vous appelez ça, là. C'est les CD3. Je suis en train de placer un CD3. Puis sur ce CD3, il y a ceci. Thank you. Et c'est certain que lorsqu'on se met au tympan Frank Zappa avec une chanson qui s'appelle Montana, ce qu'on veut, ben, c'est entendre le reste, c'est-à-dire Champins. Oh, Frank Sinatra. Eh non, c'est pas Frank Sinatra. C'est Frank Zappa. Bon, c'est la même chose. No place to go. No love left for me to give. Why should I pretend I like to roam from door to door? I guess that I'll just kill myself. I just don't care no l'incroyable, l'incroyable, bien sûr, non pas Frank Sinatra, mais Frank. Quoi que c'est deux Frank. Vous avez raison, monsieur, de me dire que... Vous êtes, monsieur, vous êtes là? Oui, mais alors, vous êtes à Errance Rénaldienne en direct, donc ça va? Oui, je sais, vous me le dites, mais vous écoutez l'émission depuis quoi, deux, trois semaines? Oui, oui, merci. Vous êtes encourageant. Lâchez pas le programme, parce que sinon, c'est le programme qui va vous lâcher. Hein? OK, OK, OK. Mais vous êtes venu à ça par une analyse approfondie, par les écritures de quoi? De Régine Desforges ou de Claudia Schiffer? Ben écoute, on peut pas non plus dire à un fan qu'on n'est pas au top. Hein? Bon. Et puis toi, vous? Ben, je ne sais plus. Et voilà, il y a un doute, hein? Monsieur, on vous a réveillé? Ben, je ne sais plus. OK. Je sais qu'on m'a demandé de composer un numéro de téléphone et puis que vous étiez là en tout temps. Donc, c'est pas véritablement ce qui est arrivé actuellement. Ben, je ne sais plus. OK, vous êtes un peu perdu. Vous cherchez un peu la vérité ou vous êtes ébranlé encore parce que vous êtes dans un sommeil profond puis on vous a comme... un terme que j'adore dire. Extirpé? On vous a extirpé? Ben, je ne sais plus. Ben là, êtes-vous... est-ce qu'on vous met dans une position houleuse? Ben, je ne sais plus. OK. Alors, je vous souhaite, monsieur, je vous souhaite une belle soirée, puis restez à Errance Renadienne, puisque mon invité vaut la peine d'être entendu. Et là-dessus, ne dites pas ce que vous dites normalement, mais simplement, merci de me présenter quelqu'un que je ne pourrais pas connaître sans la venue d'un errant Renadien à Paris. Car aujourd'hui, le vendredi 15 septembre 2017, l'errance. Les errances présentent plusieurs. Quand je dis plusieurs, ce n'est pas juste une. C'est plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Joe Zygma. Joe Zygma est un musicien et compositeur qui a fait des groupes, qui a inventé aussi une sorte de musicalité à son grand talent. Je ne veux pas non plus vendre ce qu'il va nous dire, donc on va le laisser nous partager sa flamme et surtout cette rencontre qui fut très intéressante et particulière. Alors, je nous laisse à l'oreille et à la musique et à l'environnement de Joe Zygman. Bon, pour les gens qui ne me croient pas, là, il vous faut des preuves. Est-ce qu'il vous faut des preuves, monsieur? Allô? Ah, ils l'ont couché. Est-ce que... Couchez-le pas! Est-ce que vous faut les preuves? Ben, je ne sais plus. OK, vous êtes perdu un peu, là? Ben, je ne sais plus. Je suis perdu, fait comme l'oiseau. La vie est pure et d'eau fraîche, l'oiseau. Mais jamais rien n'empêche l'oiseau d'aller plus haut, moi plus haut, moi plus haut. Aller plus haut, moi plus haut, moi plus haut. Avec Joe Zygma, va plus haut, plus haut. On y va plus haut, on y va, on y va, on y va, on y va. On arrête là, on arrête ici. Spécial Michel Bernard, 3 pièces inédites. Donc, comme prévu, je vous propose véhicule ancien, leçon de conduite et rétroviseur. Si vous avez écouté la semaine dernière, j'ai omis de diffuser ces pièces à l'émission Les Routes Enchantées le 3 septembre, le dimanche 3 septembre. Pour me faire pardonner, la semaine dernière, je vous ai présenté Véhicules anciens et aujourd'hui, la trilogie, les 3 chansons collées bien serrées. C'est comme une danse, là. Alors, les paroles de Véhicules anciens sont de Michel Bernard et Romain Bernard Sauvant. Il fait aussi Romain Bernard Sauvant, les voix, les arrangements de guitare basse. C'est enregistré au studio Valence. Prise de son, Daniel Frattini et Raphaël Frattini. Réalisation, Michel Bernard. Le son de conduite, les paroles sont de Michel Bernard. Musique et tout le reste, Romain Bernard Sauvant, c'est-à-dire la musique, les voix, le chœur est de Emmanuel Larelie Marbasse. Les arrangements guitare basse et programmation sont de Romain Bernard Sauvant, le studio Toujours Valence, prise de son Daniel Frattini et Raphaël Frattini, réalisation Michel Bernard et introviseur, parole Bernard, Boris Bergman, et musique Michel Bernard, voix Emmanuel Lorlei, Marie Basse et Roman Bernard Sauvant. Arrangement, guitare et programmation, batterie Roman Bernard Sauvant. Guitare, basse Daniel Frattini. Studio Valence, prise de son Daniel Frattini et Raphaël Frattini. Réalisation Michel Bernard. Très heureux de vous proposer 3 inédits à partir de maintenant. C'est écrit sur son cœur, stationnement interdit, zone bleue pour le bonheur, tout sentiment proscrit, panneau réglementaire, survie sentimentale, défend du mot d'amour, sinon procès verbal. Sinon procès verbal. Stationnement interdit, pas aimé trop longtemps, ne restez pas ici. Circulez simplement, marquez le temps d'arrêt au stop obligatoire. Si excès de tendresse, attention au radar. Attention au radar. Elle vit d'amour à sa manière, tout est réglementaire. Pas vu, pas prise, libre comme l'air. Son cœur a fermé les portières. A fermé les portières. C'est écrit sur son cœur, danger particulier. Respecter la distance, pas serrer de trop près. Pour entrer sur circuit, pas forcer la vitesse. N'approchez pas trop près, y'a les feux de détresse. Y'a les feux de détresse. Attachez la ceinture, suivez-la prudemment. Attention procédure de contrôle fréquemment. Pas de dérogation aux leçons de conduite. Elle veut pas d'accident, vaut mieux freiner de suite. Vaut mieux freiner de suite. Elle vit d'amour à sa manière, tout est réglementaire. Pas vu, pas prise, libre comme l'air. Son cœur a fermé les portières. A fermé les portières. Elle vit d'amour à sa manière, tout est réglementaire. Pas vu, pas prise, libre comme l'air. Son cœur a fermé les portières. A fermé les portières. On se dit, m'y ferai jamais, on s'y fait. On se dit, j'y toucherai plus, on y retouche. On s'endort avec la même et du même côté du lit. tiens, on s'habitue à tout. Tant pis, même à la vie. On se dit, entre deux portes, pas nous, pas ça. Sur le temps des amours mortes, nous on saura se tirer la révérence avec une touche d'élégance, avec tout ce qu'on a appris du prix de la vie. Rétroviseur sur les choses qui ne font même plus mal au cœur. Rétroviseur, est-ce que quelqu'un pourrait nous bloquer le compteur? On se dit, on se rappelle, hein, on se rappelle pas. Mais on s'en souvient plus tard, quand autrefois est un mot que l'on prononce avec le doigt sur la ronce. On s'habitue à tout, tant pis, même à la vie. On se dit, entre deux eaux, je fais la planche. Depuis mon premier zéro, page blanche. Bien seul au fond du dortoir, tu chantais déjà dans le noir. J'ai connu le goût du pain sec, je fais avec. Rétroviseur sur les choses qui ne font même plus mal au cœur. Rétroviseur, est-ce que quelqu'un pourrait nous bloquer le compteur? On se dit, je m'y ferai jamais, on s'y fait. On se dit, j'y toucherai plus, on y retouche. Ouais. On s'endort avec la même et du même côté du lit. Tiens, on s'habitue à tout, tant pis, même à la vie. Rétroviseur, des souvenirs qui ne font même plus mal au cœur. Rétroviseur, est-ce que quelqu'un pourrait nous bloquer le compteur? Rétroviseur, un vieux rêve qui ne fait même plus mal au cœur. Rétroviseur, est-ce que quelqu'un ancienne, la où tous les collectionneurs viennent, c'est la passion qui nous entraîne. De la quatrelle à l'est la fête, quand on fait la fête, y a pas besoin qu'on freine. Et la quatrelle pour m'entraîner et remonter le temps, rouler des mécaniques comme on faisait avant. Pas besoin de foncer sur le 4L Trophy, faut rester dans l'humain quand on pilote pour lui. Voiture ancienne, là où tous les collectionneurs viennent, c'est la passion qui nous entraîne. De la 4L à l'estafette, quand on fait la fête, y'a pas besoin qu'on freine. Véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien, véhicule ancien. Collectif dans un festival. Ok, à quel endroit? À Meaux, à côté de Meaux. Oui, oui, oui. Et ah ouais, ça. C'est assez difficile le lendemain. Et toi, t'es matinal? Pas vraiment, non. Je viens de me lever il y a 3 minutes. Parce que je reste ici à côté. Ah, d'accord. L'auberge de jeunesse. C'est à l'auberge de jeunesse? Oui, ici à côté. Moi, je la connais pas. Aristide Drouin. Je connais pas? Ah, ben. Non. Je suis là à chaque année parce que qualité-prix, c'est merveilleux. Puis comme ça coûte pas cher de logis, tu peux profiter de manger un peu plus. Et puis, t'es sur Montmartre quand même. Ah oui, oui. Mais c'est eux autres sont obligés d'offrir le même prix, que ce soit partout, à Paris ou en France. Il y a un prix fixe. C'est pas parce que t'es à Montmartre que tu vas payer plus cher que si t'es dans le 11e arrondissement. Donc, je savais pas. Salut. Bonjour. Double allongé, s'il vous plaît. non, merci. D'accord, donc t'es de passage. Oui, jusqu'à dimanche, pas ce dimanche-ci, mais l'autre dimanche. Et donc t'as rencontré Mathieu Cassimo. Oui. D'accord, oui, oui, que je connais. Ok. Que je connais. Quoi, c'est un ami? Bah, moi je travaille avec beaucoup de gens de Claude Mathieu en fait. Donc. Pourquoi t'es musicien là-bas? C'est toi qui. Moi je suis musicien, mais je fais beaucoup de musique de plateau. Ouais. Donc beaucoup de musique pour le théâtre. Donc je suis amené à travailler avec beaucoup de comédiens. Mais t'as étudié dans une école assez réputée de jazz? Dans deux écoles, en fait. Ouais, ok. J'ai étudié au CIM. Mais ça, c'était il y a 10 ans quand je faisais de la... Il y a longtemps. Hein. C'est quand je faisais de la guitare jazz. Et puis là, je me suis fait 2 ans à la Bill Evans Piano Academy. Ouais, et puis? C'est une super école. J'ai été très heureux là. OK. J'ai beaucoup appris. Mais qu'est-ce qui te plaît davantage dans le jazz que d'autres musiques? La liberté absolue. Surtout l'improvisation. L'improvisation et la liberté. Vraiment, il y a une grande liberté dans cette musique. Et aussi le fait que c'est une musique qui se... Voulez-vous mettre du chauffage? Oh non, mais toi? Moi ça va. Oh, moi. Merci. C'est une musique qui n'est pas finie, quoi. Ok. Qui s'invente en permanence. On ne sait même pas dans quelle époque on est là. Ok. C'est impossible de dire. Il faut toujours, on dit dans le jazz, il faut 20 ans de recul pour savoir dans quelle époque on était, quoi. Étant petit, chez toi, on devait écouter du jazz Non. Ah non? Non. On était à peu près quelle sorte de musique ou quel style musical? Chez moi, beaucoup de classiques. Ah oui, oh, c'est une bonne base. C'est une base, mes parents sont mélomanes, mais ils sont pas musiciens, ils sont... Et puis beaucoup de musique... De musique de variété, quoi. Donc, Yves Montand, Gainsbourg... Yves Montand, ouais, pas tant Gainsbourg, okay. Plutôt Goldman... plus récemment. Ouais, Michel Berger, okay. Cabrel... Ah oui, ok, mais c'est des gens qui sont nés à peu près milieu 60. Ouais, mes parents. Oui. Mon père est né en 50. Ah. Donc, ma mère un peu plus tard, ma mère un peu plus jeune. Mais on a beaucoup écouté. Et puis de la musique québécoise. Ah oui, Félix Leclerc. Comment il s'appelle? Il y a quel âge aujourd'hui? Mon père? Non, le chanteur en question. Oh, je sais pas, j'ai vraiment pas suivi sa carrière. Connu mondialement? Ouais, toute l'équipe qui a. Chanter dans Starmania, quoi. Comment il s'appelle? Robert Charlebois. Ah, Charlebois. Ah, mais il n'a jamais joué dans Starmania. Ah ouais? Non, c'est Diane Dufresne qui a joué dans Starmania. Diane Dufresne aussi, ouais. Ouais. Ouais. Mais Charlebois, c'est... Il n'a jamais joué dans Starmania, non. Il n'a pas fait 0 janvier? Pas du tout. Non. Non, je suis sûr à 100%. Sûr de sûr? Ah oui, 100%. Oui. D'accord. Tu évoques là, peut-être... ça a été pris par M. Balavoine, Daniel Balavoine. Non, Balavoine, il jouait Johnny Rockford. Ah, Johnny Rockford, ok. Mais Robert Charlebois, non, il s'est même pas mêlé à ça. Ah, bon. Ah non, c'est en plus, c'est aux antipodes de ce qu'il veut faire. Sûr de sûr? Sûr, 100%. 100%, oui, c'est pas du tout son style. D'accord. Ah non. Aujourd'hui, c'était à l'époque, des années 80, encore un rocker. Et il se faisait écrire des chansons par Redinger, Luc Plamondon et tous ces gens-là. Bah Luc Plamondon, c'est... C'est quoi? Bah, c'est Starmania. C'est Starmania, oui. Mais ça n'a rien à voir avec Robert Charlebois. Il y avait pas mal de vinyles de ça. Ok. Parce que mes parents ont vécu à Québec pendant... Ah oui? Ah oh, ben voyons. Pendant un an et quelques. Comment ça? Bah ils ont travaillé pendant un an là-bas, okay. Ils ont des amis là-bas, okay. Moi-même. Puis il y avait un visa de travail. Ouais. Ah. Je sais pas, c'était avant ma naissance. Ok, alors toi t'as pas mis les pieds... Moi j'y suis allé parce qu'ils ont... Ils ont des amis, notamment un producteur qui est un peu connu, je sais plus où il habite. Un producteur de films, de musique? Ouais, de films, de séries. Michel Dastou, il s'appelle. Oui. Tu le connais? Ah ouais, je le connais, oui. Bah, c'est un très bon ami de mes parents. Ok, ah c'est bien. Puis comment ils les ont connus? Comment je sais pas, ils vont pas raconter la genèse. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené au fait que vous êtes... uniquement du classique à... Ils écoutaient pas que du classique, enfin il y avait un peu de la variété française, il y avait un peu tout, non, il y avait aussi des vinyles un peu plus étranges chez moi, il y avait Frank Zappa, ok, ça c'est le côté obscur de ton père, de ma mère okay. Qui avait des disques qui je pense dataient de ses 20 ans sa à Paris, période, où elle écoutait Mahavishnu Orchestra, ah oui. des trucs ah oui. Et puis quelques vinyles de jazz, hein, mais peut-être Kind of Blue, les classiques, ouais. Et toi, quel instrument au début t'appelait ou t'attirait davantage qu'un autre? Ben, en fait, moi j'ai. Au début, je voulais vraiment être un rocker pur et dur. Ok, quoi. Ben oui. Donc, ben oui, les filles, hein, ça fonctionne pas. Même pas les filles, okay. Vraiment le rock. Ah, oui. Moi j'ai. Quand j'étais teenager, j'étais fan de Radiohead. Okay, oui. Et je voulais vraiment faire de la pop-rock. Pop-rock un peu punk. J'aimais les Stray Cats, ce genre de trucs. Donc la guitare électrique. Ok, alors c'est le premier instrument que t'as... Ouais, guitare électrique. Et je jouais de la balalaïka basse dans un orchestre de musique cigane. Ça, c'est le truc... La balalaïka? Ouais, c'est quoi? Non, tu sais, c'est l'instrument triangulaire traditionnel russe. Ah oui, ok, oui. Mais pourquoi ça t'attirait? Parce que j'adorais la musique cigane. Ok. Et j'avais une histoire d'amour assez puissante avec une jeune femme russe, okay. Dont l'oncle était chef d'orchestre d'un orchestre de musique traditionnelle. Ah oui, c'est bien ça. Donc j'ai intégré cet orchestre. Oh, c'est une belle école. Ouais. Très belle école, de la mélodie, des rythmes mouvants, de l'écoute. Qui amène aussi la danse, beaucoup de trance. Exactement, et puis vraiment des très belles mélodies. En écoutes-tu encore ou... Des fois, mais c'est assez rare. Mais ça fait partie... Maintenant, souvent, par contre, j'écoute Vladimir Vysotsky, et des continuateurs. Je trouve qu'il y a beaucoup de continuateurs de Vysotsky. Il y a plein de trucs, des chansonniers russes aujourd'hui. Et Marina Vladi, sa copine, l'album. Que j'ai croisé. Ah oui, ouais. Dans un tournage, sur un tournage Non, à France Inter. Ah. J'allais Mais qu'est-ce que tu faisais là sur France Inter? J'accompagnais une chanteuse qui était une... Il y a longtemps? Il y a un moment. C'était une de mes plus mauvaises expériences musicales, okay, cette chanteuse. Alors, tu étais sur France Inter et tu as eu la chance de rencontrer... Je l'ai croisée parce qu'elle était dans l'émission après qu'on joue. Okay. Fille sympathique. Carrément. Ouais. Et accessible. Ouais, pas la grosse taille. Non, ouais. Puis plus elle vieillit, plus c'est vrai. Sans doute. Oui. Je ne l'ai pas dit avant. Okay, ouais, c'est ça. Et donc, c'est la guitare électrique qui t'a amené à la musique, qui t'a apporté. Voilà, et donc j'avais mon groupe que j'ai toujours, qui était mon premier groupe de rock qui continue de tourner. Tiens. Mais qui roule un peu moins, c'est plus. Ah non, autant. Non, là. À un moment donné, ça s'est tranquillisé, non? Il y a eu moins de. Je sais pas. Ok. the bar and drink the whiskey like a fish. Pretza, you broke my heart. It's not easy for an old fart to be left on his own, lost in the Sierra Leone. Derek, Derek, the comedy on, motherfucker. Derek, Derek, the comedy on, the city's dead. Là, moi, je vais à Avignon et après, je pars en tournée avec eux. Tu pars eux. À Avignon quand, demain? Demain, ouais. Ok. Et après, je fais un demi-Avignon, en gros, avec une super compagnie qui s'appelle Les Moutons Noirs. Ouais. Où là, je serai pianiste et un peu comédien. Et après, je rejoins mon groupe. Est-ce que tu l'as déjà joué? Le spectacle? Est-ce que tu présentes? Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais, à Paris? J'ai joué à Paris, en tournée dans toute la France. Et puis, comment c'est accueilli? Très bien, ça se passe très bien, cette pièce, elle est très drôle, les comédiens sont super, la musique est très bien. C'est très punché. C'est assez rythmé, mais en même temps, il y a pas mal d'éléments. C'est une reprise de la Folie des Grandeurs. Ah oui, ok. Donc il y a lui-même. Mais qui joue dans cette pièce-là? Eh bien, il y a un comédien extraordinaire qui s'appelle Mathieu Alexandre. Ok. Qui joue le rôle de Don Salus, donc ouais. Le rôle qui tient la pièce, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette pièce-là? Est-ce que c'est des amis communs? C'est les rencontres? C'est... Ouais, en fait, je... Est-ce que ta vie est faite de rencontres? Ah bah évidemment, évidemment, et puis je suis un curieux. Hein. Okay. Quand il se passe quelque chose, tu vas aller voir? Ouais, ouais, je vais voir et puis je suis multi-instrumentiste, c'est-à-dire je joue de la guitare, je joue du piano, je joue de la contrebasse, je chante, je peux un peu jouer en tant que comédien, je suis pas comédien, hein, mais je peux donner la réplique. Donc, tu peux te convaincre. Voilà. Tu t'es pratiqué chez tes copines. Non. Ok, faut pas dire ça, ok. Non. Sincérité absolue. Comme la majorité des hommes. Exactement. Et en fait, je jouais du piano dans la pièce où j'ai rencontré la femme avec qui je suis aujourd'hui. Ok. Et à cette époque, j'étais pianiste sur une pièce qui était assez. Qui était une adaptation d'un Marivaux dans une cave de jazz. Ah, ça, c'est bien. Hein. Donc, c'était assez marrant. Et je jouais le pianiste un peu débile. Qui est dans le fond et qui joue du piano en buvant du whisky. Ah ouais, c'est ça. Et un peu Tom Waits, le début de Tom Waits. Ouais, c'est ça, un peu Tom Waits. Et à l'époque, on travaillait avec une chargée de diffusion qui au final n'a pas travaillé pour la pièce puisque la pièce est arrêtée. Et elle s'est arrêtée par manque de succès. Oui. Et puis par, je pense, lassitude un peu de l'équipe. Moi, je suis arrivé tard dans cette équipe, mais ils avaient déjà beaucoup joué. Et deux ou trois années plus tard, cette chargée de diffusion, en fait, était devenue la chargée de diffusion de la compagnie des Moutons Noirs. Et il y avait besoin d'un remplacement en urgence du guitariste qui ne pouvait pas être là. Et donc... Tu as dit, je suis là. Elle m'a appelé et j'ai fait, ok, je le fais. Et puis au final, c'était parti pour être un remplacement sur deux ou trois dates. Et puis en fait, je suis resté. Je suis devenu le doublon. Et là, tu en as fait combien de cette... Je sais pas, je dois l'avoir joué au bas mot une soixantaine de fois. Oh, ok, donc c'est rodé, y a pas de problème quand tu montes sur scène. Bah là, en fait, j'ai remplacé à la guitare et là, à Avignon, je vais remplacer au piano. Oh, ok, parce qu'il y a piano-guitare. Ouais, c'est un trio, il y a un piano, une guitare et une clarinette basse. Ils ont remplacé, une clarinette. Toi, tu es passé au piano et ils ont cherché quelqu'un pour la guitare, c'est ça? En fait, il y a un de mes amis, un très bon musicien qui s'appelle Oscar Clark. Il a fait un vidéo tout à noir et blanc incroyable. J'ai voulu le rencontrer cette année. Eh ben, c'est un très bon ami à moi, ça fait... Mais quelle voix j'ai... Mais moi, je comprends pas pourquoi c'est... Les deux chansons que j'ai entendues sur Internet n'ont pas monté aussi. Eh ben, parce que là, on est en train... Parce que je suis contrebassiste du projet. Là, on monte en trio ces chansons. Mais moi, c'est un ami. Tu sais quel vidéoclip que je parle, là? Ouais, bien sûr, Child. Oui, exactement. Ouais. Ben, on a enregistré... Ah oui, j'ai envoyé une missive lorsque je l'ai vue, il y a 6 mois. On a enregistré une version en trio de Child il y a 3 jours. Non, mais c'est bon, hein? Ouais, il est très fort. Tu vois, Oscar, ouais. Il avait un groupe avant qui s'appelait Lord Jim. Ah, faut que je le rende, ouais. Et on a commencé, on a fait nos preuves. On était ensemble, oui. Lord Jim et les frères The Band. On faisait beaucoup de coplateaux et on était. Hey. C'était quand on était les vrais rockers, du début. Maintenant, on a vieilli. Ah, ben là, on s'est assagi. Pas hier, en tout cas. Pas hier. Mais c'est ça, c'est plein de rencontres qui font en sorte que ta carrière a pris son essor. Et donc là, du coup, en fait, la comédienne qui joue la reine, peut pas être là. Okay. Donc la pianiste, qui est comédienne, remplace la reine. Okay. Moi, qui étais guitariste, je la remplace au piano. Et donc il fallait quelqu'un. Mais là, tu connais pas les répliques? Il y en a quelques-unes, mais c'est surtout de la musique. Ok. Mais si, maintenant, Après 60, c'est sûr que tu as vu l'autre travailler. Ouais. Non, je suis détendu. J'y vais détendu parce que j'ai bien travaillé en amont et que ça va bien se passer. Mais le rôle du guitariste est plus difficile que le rôle du pianiste ou vice-versa? Je trouve que le rôle de pianiste est plus compliqué. Ok. Je pense que c'est plus facile d'être guitariste sur cette pièce. Ok. Mais... Lorsque tu t'adonnes au jazz, qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que c'est le fait que tu peux, n'importe quand, parce qu'on entend encore ça aujourd'hui, à n'importe quand tu peux décrocher puis improviser et te lancer dans... C'est quelque chose que j'aime. Je pense que c'est une vraie profession de foi, le jazz. C'est une religion. C'est une religion et je pense pas être un... comment dire, je pense que j'ai quand même des vieux réflexes de rocker et de quelqu'un qui aime la pop et le rock, donc j'aime ces harmonies, les mélodies du jazz, mais je me considère pas comme un jazzman. Okay. Je considère que je suis un rocker qui s'adonne au jazz. Mais que ton cœur est au rock. Non, mon cœur, il est partout. J'ai étudié aussi un peu la musique classique. Enfin, je suis curieux, quoi. Oh, mais je pense que j'aurais du mal à... Mais par contre, le caractère, on va dire, d'harmonie, de rythme, de mélodie un peu complexe et de grande liberté, d'improvisation, tout ça est quand même hyper important. Et il y a aussi un aspect qui, moi, me passionne, je pense, plus que tout. Et qui sera peut-être encore plus important sur mes vieux jours, c'est l'aspect composition. Okay. Je suis vraiment un fan d'écriture musicale et j'aime beaucoup l'improvisation, mais l'écriture, le caractère d'écriture, de composition de jazz est un truc que je trouve absolument passionnant. Parce qu'il faut avoir quand même des assises pour délirer, on ne peut pas délirer... Ah bah après il y a plein d'écoles, il y a autant de jazz qu'il y a de personnes. Il y a autant de jazz que jazzman et c'est ça. Mais c'est sûr qu'on n'est pas toujours aussi à l'aise que Monk au piano pour partir sur quelque chose. Non bah après, il faut penser que il y a plusieurs façons d'improviser. Soit on a un cadre qui peut être une grille harmonique, ce qu'on appelle une grille harmonique, c'est-à-dire... une succession de marches harmoniques, d'accords qui vont structurer... Genre de loop. Ouais, c'est ça. Qui revient. Donc une... Et là, toi, t'as l'air improvisé. De 12, 16, 32 mesures qui vont être la structure de l'improvisation, dont on va évidemment s'écarter, c'est pas forcément marrant. Mais il y a aussi... Le pur délire. Il y a aussi dire, on arrive et on sait pas. On se pose puis on verra. On sait pas et ça peut être une grande liberté. Mais c'est le public aussi qui fait que l'impro fonctionne ou fonctionne pas. Parce que le public est là et l'atmosphère du moment. Il y a 10 000, la température ambiante, le piano, comment est le piano, comment sont les musiciens. Et toi aussi, comment tu te sens, si tu as bien dormi, si on a la gueule de bois. Oui, ouais, c'est sûr, on va être plus concentré. Mais c'est ça qui est assez dur et c'est quelque chose que j'ai vraiment, avec mon excellent professeur Bruno Angelini, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris très récemment, que la rigueur nécessaire pour pas être en dessous du niveau, quelles que soient les conditions, quelles que soient... l'instrument, le public, l'acoustique, le machin. Tout ce qui se passe a un peu d'importance. Il faut que tu te concentres. C'est une rigueur de travail qui est absolument... Mais c'est de la pratique. C'est quotidien. Et toi, tu fais ça au quotidien aussi? Oui. Six jours par semaine? Autant que faire se peut. Non, 7 jours par semaine, autant que faire se peut. Si Plus piano, pratiques au piano? Je pratique vraiment le piano. Я тебе не веселее. Fois on peut pas, là par exemple aujourd'hui, ouais. Là je vais j'ai un truc à faire qui a un autre aspect de la vie de musicien, c'est que je vais aller à mon studio qui se trouve à Montreuil, okay. et je dois faire des exports de pistes, oh, okay. audio, okay. et donc je vais passer la journée devant un ordinateur à faire des exports de pistes audio, donc aujourd'hui je vais pas pouvoir me mettre devant mon piano parce que je vais passer ma journée à ça. C'est un des autres aspects. Le problème de la vie de musicien... Mais ça, ça te fait vivre aussi, ce genre de truc-là. Bah oui, j'en vis, mais... En fait, il y a plein d'aspects. Okay. Est-ce qu'il y en a qui te plaisent moins, comme ce que tu vas faire tout à l'heure? C'est... Ah oui, ça c'est chiant. C'est ah ouais? Objectivement chiant. Mais pourquoi t'as accepté? Bah, j'ai accepté parce que là, on travaille sur un album avec les frères Zogma, ouais. et que bah, j'ai envie que l'album sorte. Alors, que... il faut des sous. Donc, il faut exporter. Non, c'est pas des sous. Okay, il faut exporter les... Il faut exporter les pistes pour les donner à l'ingé son qui va faire le mixage. Okay. Et donc, c'est le mixeur qui a besoin de ça. Ouais, il en a besoin donc, pour pouvoir mixer le disque. Et ça se mixe à quel endroit? Alors, on a rencontré un type qui est très très fort et qui mixe à... Il a un studio à Marcadet, okay. donc on va pas mixer dans le studio où on a enregistré. Là, on a notre studio, on a enregistré le prise à Montreuil. Et donc là, il faut sortir dans toutes ton studio. Ouais, okay. avec les frères Zogma. Et donc là, on va sortir toutes les pistes pour les donner au mixeur. Et ça fait combien d'années que ce disque-là se prépare? Là, ça fait 2 ans. Oui, hein? c'est beaucoup de travail. C'est hein? long. Parce qu'en fait, tu es sur plusieurs projets, donc tu peux pas te concentrer uniquement. Bah, là, pour être honnête, je crois que je suis au maximum de ma capacité de travail. Alors, tu peux pas accepter plus de choses que ça, là, quand même. Je pense pas. Là. Comme tu es un seul homme, tu as juste 2 mains. Ouais. Si on fait le décompte, il y a les frères Zogma. Je travaille sur un projet qui va sortir l'année prochaine. Un duo qui s'appelle Ciel Mon Mari, okay. ah, ouais. qui est un duo de, on va dire, de une chanson pop, mais assez avec des couleurs jazzy, okay, avec oui. des c'est toi et une fille? Non, un mec qui habite juste là en fait, okay. ah, ouais. qui habite rue Durantin, okay. qui s'appelle Thomas Prado, qui lui a déjà sorti 2 albums sous son nom. Okay. Et avec qui on a une bonne collaboration. Je travaille pour une chanteuse qui s'appelle Victoria de la Rosière, où là c'est vraiment de la chanson à texte assez grinçante. Et toi t'es au piano? Là je suis à la contrebasse. Ok, ah oui. Évidemment. Ah oui, ben, ouais, mais il y a un musicien québécois, Monsieur Donato, qui disait la contrebasse c'est le plancher de la musique. C'est exactement. Ah. Mais c'est passionnant. Et je trouve que... Maintenant, quand je joue avec un contrebassiste, je l'entends plus pareil. Ah ouais, ben non. Parce que ça fait seulement 4 ans que je joue de la contrebasse. Ok. Je m'y suis mis. Hein, mais... Est-ce que tu te considères comme un bon contrebassiste? Non. Non, ok. Non, non. Mais pourquoi qu'on t'embauche si tu crois pas au... C'est le fait. Non, mais c'est aussi... C'est aussi que bah, je peux jouer de la contrebasse, mais je peux passer de la contrebasse au piano, okay. je peux chanter. Okay. Alors, là, par exemple, il y a un autre projet qui va jouer au Théâtre 13 à la saison prochaine. Je sais pas si tu vois le Théâtre 13. Oui. Donc, un très beau projet mis en scène par Thomas Bellorini, où là, je suis vraiment contrebassiste okay. et chanteur, qui s'appelle Le Dernier Voyage de Sinbad, qui traite en gros des crises migratoires et des... Des migrants qui meurent en Méditerranée. Ouais, c'est uh-huh. très actuel. C'est une très belle pièce, assez dure et en même temps très poétique. Est-ce que c'est difficile de te créer un horaire quand tu fais toutes ces choses-là? C'est pas si évident que ça. c'est une autre partie. C'est comme les exports. Ça fait partie du métier. Est-ce que c'est toi qui gères tout ça ou si tu fais... Oh, j'aimerais tellement que ce soit quelqu'un d'autre. Ah, c'est toi qui as ton horaire et... Ouais, j'ai en fait... J'ai un système. Ok. J'ai un système. Je considère que, par exemple, mon emploi du temps est public. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, j'ai pas un agenda dans ma poche qui est privé. Mon agenda est sur Google. Tous les gens qui ont besoin de le partager avec moi peuvent coller leur disposition, leur disponibilité. Ma politique, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Si quelqu'un me dit, tu bloques cette date-là. Grâce à Notepad ou quelque chose du genre, sur Internet. Ouais, en fait, c'est bloqué si on me dit. Non, les gens peuvent pas mettre des trucs sur mon agenda. Ah non, mais tu autorises des gens. Mais ils peuvent voir. Non, non, ils peuvent voir par contre si je suis disponible. Ok, alors là, ils vont t'appeler. Hey, j'ai vu que le mercredi 17, 15h, est-ce que tu peux t'as venir? T'as rien. Okay. Et donc ce système. Mais c'est pas mal ça. Ce système fait qu'en fait, je. Comment dire? Je considère que j'ai pas de jour off. Ok. J'ai pas de jour off sur l'année. Pas de vacances. Pas de vacances, pas de week-end. C'est tant qu'il y a du travail, je travaille. Et il y a un mois, je fais non. Un mois dans l'année. Là, tu décides quand même quelques mois avant. Parce que si c'est déjà planifié, tu peux pas dire. Ah, j'ai décidé en octobre dernier que ce sera septembre. Ok. Donc en septembre, on m'a appelé. Est-ce que tu peux? Non. Septembre, je suis pas là, je vais en Inde. Et si tu vois tu vas loin. Ah non, mais c'est impossible. Parce que s'il y a un contrat exceptionnel, tu peux pas. Non, je peux pas. Il faut quand même être assez audacieux pour dire ça. Hein. C'est comme ça, quoi. Enfin, c'est après, sinon, je fais ça toute l'année. Alors, tu pars un mois en Inde. Voilà. Pour te ressourcer. Alors, je vais donner quand même. Là, je suis en projet de travailler sur des masterclass là-bas. Oui, en quelle langue? En anglais? En anglais, ouais. J'ai des amis indiens que j'ai rencontrés à la Bill Evans Academy. La Bill Evans Piano Academy. Notamment quelqu'un qui est venu... Il me semble qu'il y a deux écoles. Il y en a une aux États-Unis, hein? Ah ouais? Ouais, non? Non, je crois pas. Ok. Je croyais qu'il y en avait. Mais c'est possible, hein? Mm. Mais je crois pas. Et donc, il y a un ami qui s'appelle Adwight, Adwight B. Walker, qui a un projet de monter des écoles de musique online. Ah oui. Lui, il est de Mumbai. Ah, ouais. Et donc, je suis en train de travailler sur donner des masterclass donc à Mumbai, New Delhi et Bengali. Et après, on part ensemble en voiture dans le nord. Deux gitans. Dans le Cachemire. Mais c'est bien parce que c'est le moyen d'avoir des billets gratos. Non. J'y vais quand même pour les vacances. Mais masterclass, est-ce que tu es rémunéré? Au black. Ah, ok. Au black, non, j'ai pas de visa de travail. Mais Ça va se faire comme ça. Le but est peut-être de commencer à travailler. Mais ça sera pas diffusé en septembre, donc t'es chanceux. Les flics vont arriver chez toi après. Non, parce que le but c'est vraiment de travailler sur un partenariat et puis de faire une sorte d'échange culturel. Quoi. Ouais. Moi, mon but c'est de montrer, de parler un peu de méthodes. En gros, de composition et d'accompagnement du théâtre, de musical au théâtre en France, quoi. C'est ça, en France, est-ce que tu crois qu'eux sont au même niveau? C'est ça l'intérêt? Est-ce qu'ils sont au même niveau? C'est-à-dire? Ben, au même niveau académique, crois-tu qu'ils risquent d'être surpris de ce que tu vas leur raconter? Je sais pas. Ok. J'y vais sans y réfléchir. Ouais, j'y vais sans y réfléchir. Tous les Indiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer étaient d'excellents musiciens. Alors tu as déjà une base, que c'est des professionnels entre guillemets. Alors c'est des étudiants, mais c'est des gens qui ont une grande culture à la fois de la musique classique indienne, qui est une musique très très complexe. Que tu connais un peu? Pas du tout. Ok. Qui est très très très très très très complexe. Donc tu vas faire toi aussi ta masterclass. J'y vais pas pour apprendre, sinon. Mais tu vas apprendre par. Ouais. Le fait des choses. Et qui ont une grande culture de la musique classique occidentale. Ok. Et donc j'étais. Je ne le savais pas quoi, mais j'ai vu que ils apprennent, ils étudient vraiment les deux systèmes, donc avec un système de musique classique. transmis oralement, avec des systèmes de comptage extrêmement compliqués, des mélodies, ce qu'on appelle le raga, c'est-à-dire... Ah, c'est plus sophistiqué, là. C'est rythmiquement très, très compliqué. Mmh. Apprendre à compter dans le système de musique classique indienne, c'est vraiment, je pense, quelque chose auquel il faut consacrer des années. Oui, une vie. Est-ce que ça fait des musiciens beaucoup plus recherchés? Au contraire, comme c'est pas le même dialogue, le même discours. Ou recherchant. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est... Mes amis indiens que j'ai rencontrés à la ville Evans, c'est des musiciens très curieux et surtout qui sont, on va dire, de base amenés à métisser. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle, et puis, monsieur, madame, mademoiselle, et puis, monsieur, madame, mademoiselle, et puis, monsieur, madame, mademoiselle, sachez qu'en ce moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. Il y a même des contrepoints. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans musique. Je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Ich würde mich gerne ausruhen. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Und dann, et puis, monsieur, madame, mademoiselle. Dann, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Sachez qu'en ce moment, Sie sollten wissen, dass ich im Moment, je suis bien fatigué. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Ich würde mich gerne ausruhen. Dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace en maîtrisant toutes les données du spectacle dire des choses ou avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une mise en forme de l'espace à partir de en maîtrisant toutes les données du spectacle envie d'aller vers d'autres choses. Me fait souffrir. De dire des choses que. De dire des choses que. De dire des choses que. De dire des choses que. Du spectacle. Il souffre d'être seul. Pour travailler seulement. Uniquement là pour travailler. Avoir envie de dire des choses qu'à partir d'une. Vous écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Icy sky at night, paddles cut the water in a long and hurried flight from the white man to the fields of green and the homeland we've never seen. They killed us in our teepee. They cut our women down. They might have left some babies crying on the ground, but the fire sticks and the wagons come, and the night falls on the setting sun. They massacred corner from the bank, and the taxis run across my feet, and my eyes have turned to blanks, and my little box at the top of the stairs with my Indian rug and a pipe to share. Pelts to sleep with Pocahontas and find out how she felt in the morning on the fields of green in the homeland we never seen. Il y a plein de trucs, tu peux jouer les cordes, oui. Dans les cordes, c'est et ça, faire, comme la harpe, hein. Faire des sons très cristallins, machin. Mais tu peux aussi, à l'inverse, par exemple avec une main, t'étouffes. Ah oui, oui, oui. Et tu joues, et du coup, ça coupe toute la résonance, donc t'entends... Un peu comme la guitare quand tu mets ta main devant. C'est ça, oh, exactement. Il y a plein de possibilités. Après, il y a eu... Le piano, c'est un instrument qui, dans sa forme, en fait, est assez récent. OK, le piano que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. OK. Assez récent, c'est... tu peux me dire... Bah, par exemple la technique... Bah, le piano a beaucoup évolué depuis le 18e. Par exemple, quand Chopin... Ah oui, OK. Francis, et avait cette musique très virtuose, très rapide, elle était rendue possible par des innovations techniques, des mécanismes du piano. Ah ouais, OK. Par exemple, Mozart ne jouait pas le même instrument que Chopin. C'était pas la même mécanique. OK. Et la sonorité était la même? Plus ou moins. OK. Plus ou moins, mais c'est pas le même instrument. Ah, ouais. Et aujourd'hui, le piano, les pianos qui sont créés aujourd'hui sont différents. Et puis sans parler des synthés, des claviers. Il y a plein de nouveautés. Donc c'est. Et tu traites clavier? J'ai acheté il y a peu de temps un Nord Electro. Ah oui, le dernier Nord Electro, le Nord Electro 5. Et j'avoue que il y a des possibilités. Okay. Je suis un inconditionnel du son acoustique du piano. J'aime entendre vraiment le son du marteau sur la corde. J'aime vraiment le piano acoustique. Mais j'avoue que c'est tentant. C'est tentant, c'est curieux. Parce que tu peux faire plein de choses avec ça. Tu peux faire une orchestre symphonique en programmant toutes tes... Ouais, non, c'est... Mais à la consonance, ça n'a rien à voir avec l'orchestre symphonique, on s'entend. Aujourd'hui... Mais comme il n'y a pas beaucoup de moyens... Aujourd'hui, il y a des... Ils sont en train de créer des plugins. Je pense que... Ah oui, les putains de plugins. Ouais, je pense que... Mais on peut voir la différence. On peut entendre la différence. On peut entendre la différence. Ouais. Le but est de moins en moins l'entendre, mais je pense que... Un musicien peut tout sentir... Je pense que le jour où la musique créée par ordinateur ou assistée par ordinateur, enfin, uniquement générée par un ordinateur, primera, on n'aura plus rien compris. Je pense qu'on va avoir tué la musique. Non, on n'aura pas tué la musique, mais je pense que si on n'est pas capable de comprendre que le son d'une trompette, c'est le son du mec qui souffle dedans, et c'est son savoir-faire et c'est son métier à lui qui est important. Le jour où on comprendra plus ça dans la composition, dans l'enregistrement, c'est un savoir-faire. Ce qu'on demande à un musicien, c'est un savoir-faire. Donc c'est pas faire une musique de claviériste. Non. C'est une autre musique. Tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse parce que l'ascenseur pour l'échafaud, joué par Miles Davis, l'album, est-ce que tu sais l'histoire? De comment ils ont fait? Mais comment Miles Davis, à un moment donné... Ils ont laissé tourner la bande et ils jouaient sur... Non, ben peut-être aussi, là, mais c'est que Miles Davis, lorsqu'il a appuyé ses lèvres sur sa trompette, il s'est arraché un bout de peau et il y avait beaucoup plus d'air qui passait et ça donne le son que l'on connaît. De l'ascenseur pour l'échafaud. Ah ouais? Tu réécouteras, c'est tout à fait hallucinant et c'est vrai. Ben écoute, on sent qu'il y a plus de. J'ai racheté. En ce moment, il y a une vague de réédition de vinyle. Oui, Monk, entre autres, sort la semaine prochaine un double LP. Ah ouais? Oui! C'est oui! Fou. Ben j'ai vu ça sur Facebook. Oh, toi, t'es pressé, hein? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, j'ai senti un truc vibrer. Okay. Non, je suis pas du tout pressé. Vraiment. Mais là, il faut que tu ailles bosser à un moment donné. Ouais, mais ça me fait tellement chier. Que... Ok, oh, oui, c'est ça. Est-ce que. Non, mais. Et donc. J'ai racheté. Es-tu encore vinyle, toi, ou si tu préfères les CD? Ah non, moi, je suis vinyle. Ok. Ah, mais tu dois avoir la platine appropriée, là. Ok, ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est une Denon C'est une Audio Technica. En bois. Hein? En bois, pas en plastique, hein, quand même. De quoi, là? Non, mais la platine est en bois parce que non. Le plastique. Elle est en plastique. Elle est en métal. En métal, ok, oui. Ok, ouais. Parce qu'il y a le bois aussi qui donne un son tout à fait particulier. Mais de la platine elle-même? Non. Je te parle du meuble qui renferme la... Non, c'est du métal. Ok. C'est du métal. Il faudrait peut-être que je passe au bois. Mais en tout cas, du coup, je suis comme un enfant parce qu'il y a des disques que j'écoutais sur CD ou sur internet. Mais on n'a pas la richesse cristalline de. Oh putain. Et en plus, avec maintenant ces rééditions. Parce que dans les années 80, il y a eu une vague de. Il y avait plein de vinyles, mais ils ont voulu faire un truc plus transportable, plus des vinyles très fins. Et là, aujourd'hui, on a des, on a des gros trucs épais. Comme à l'origine, c'était assez... Et avec... là, j'ai acheté... récemment, j'en parle parce que je suis fan absolu. J'ai acheté Kiday de Radiohead. Radiohead, Et ça, c'est récemment, là, ça vient de sortir. Ouais, il y a deux... non, non, c'est un ancien disque. Hein. Non, oui, mais, c'est... Non, mais le vinyle... Ouais, la réédition, je ne sais pas de quand elle date. Mais il y a, écoute, il y a deux morceaux par face. Oh! Deux morceaux par face. Alors, les sillons sont quand même assez... Voilà, et t'écoutes ça et tu... Strip. Je veux dire, c'est un disque que j'ai écouté et réécouté quand j'avais 16 ans. Et là, je fais, oh, ce son-là, au fond, je ne l'avais jamais entendu. Et là, tu fais, OK... Et là, aujourd'hui, on est rendu à faire des CD, des DVD audio. Ah ouais? Ah, tu connais pas? Ah. J'ai... Pas le numérique. Je suis pas un... Je suis pas un conservateur, mais je... J'aime... Il y a un rapport sensuel à l'objet. Ah oui, bah oui, surtout... À l'objet. La pochette. L'objet... Et puis ce son... J'ai écouté... J'écoutais là l'autre jour... Bill Evans Trio avec Scott LaFaro, et je me disais, mais ce son de contrebasse, mais comment ils ont enregistré ça, c'est vraiment fou. Alors on se dit les micros qu'il y avait à l'époque, hein, c'est totalement hallucinant. On est loin du SM58. Ouais. Non, mais quoi que c'est le micro le plus utilisé sur scène. Ouais, c'est très bien. Aujourd'hui, on fait de très beaux micros. Je suis pas un spécialiste de la technique de studio, mais je parlais l'autre jour du coup avec l'ingé son qui s'occupe du mixage. Et il me disait, c'est pas compliqué. À l'époque, ils n'avaient pas de compresseur, ils n'avaient pas d'équalisateur. Tous les gars, c'était comment ils plaçaient le micro. C'est ça. Et les gars, ils écoutaient. Et les musiciens se mixaient eux-mêmes, en fait. Il y avait un... Mais imagine le type qui à un moment donné, a dit, ah, bon, oui, on va mettre deux micros, un près et un loin, puis on coupera quand on va faire le... C'est totalement hallucinant. Quelle idée de génie! Aujourd'hui, on... Et puis j'ai entendu récemment, ben, il y a à peu près 4-5 ans, il y a un musicien qui voulait faire comme la musique Nouvelle-Orléans, là, a planté, ils étaient 5 musiciens, 2 choristes et lui, ils ont planté uniquement 2 micros, ça sort mono et c'est voulu comme ça. C'est Moriarty, non? Ah voilà, Moriarty, ouais, oui! Ouais, et puis, c'est pas mal, hein? Bah moi, je suis pas un fan c'est absolu. C'est ça que je cherchais depuis des années. Ah merde! Oui, parfait, merci! Hop. Et voilà, ouais, c'est des, on va en entendre. Hein. C'est des fans de cette... Mais... Moi, je suis pas hyper. Je suis pas nostalgique. Je suis pas un geek de. Voilà. Il y a des techniques aujourd'hui, pourquoi ne pas les utiliser? Ok. Voilà. Mais là, mais moi, ce qui me fait rire et l'intérêt, c'est que là, tu vois les goûts de tout le monde, les choristes. Mais voyons donc, je chanterai pas aussi loin du micro, on m'entendra pas. Donc, tu sens que tous les musiciens, toutes les. Il y a un. Ben, justement, c'est Oscar qui m'a dit l'autre jour, il faut que tu ailles écouter Tiny Desk. Okay. Je sais pas si tu connais. Ben oui. Je suis allé écouter. Ah, tu connaissais pas toi? Je connaissais pas. Je suis très fan d'un mandoliniste qui a joué, qui a fait un disque avec Brad Meldo, qui est pour moi Dieu. Le maître, oui. Tout simplement. Le meilleur, c'est Dieu. Voilà. Okay. Pour moi, c'est. Il n'y a pas. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas pour l'instant pour moi. Quelqu'un d'aussi puissant. Il n'y a pas quelqu'un. Mais bon, ça c'est ma vision. Oh. Et ce gars s'appelle Chris Thiel. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Ouais, et il a joué dans un groupe qui s'appelle. Il joue dans un groupe qui s'appelle les Punch Brothers. Tired, youth will not be wasted on this one in a dark room, another dark room. She said, hey, you're gonna like this, it's easy to like by candlelight if not under the sun. Who's feeling young? gone. She said, hey, this isn't like me. It's a little like there could be something new under the sun. Who's feeling young now? You try to tell us and at times we try to listen. Thank you.